dans le droit chemin. Résister aux tentations, bien choisir les siennes. Ne pas plonger dans les conneries, pas souvent évident à Paris. Pour un jeune négro comme moi ayant beaucoup de soucis, si moi ces années passent, des frères partent. Paix pour eux du cœur, je dédicace. Alors un prêt Dieu, je viens d'être le meilleur, mon amour. Le soleil vire un monde de nos jours. J'ai fait une promesse, doit tenir. Cours, pète, partout. J'ai tout vu, dans la rue, les gars sont tendus. Je prends les yeux, réalise maintenant, te le regardes-tu. Entouré de blocs de béton, cherche le chemin d'une route lumineuse. Blindé, ma cargaison, ma famille, mon crew pour que je creuse. Mon passé contient trop de merde et c'est pas fini. La même rengaine, les mêmes discours le soir en bas de la Tessie. Les mêmes problèmes, les mêmes dilemmes, on cesse avec les képis. Beaucoup plus d'hypocrisie, beaucoup plus de jalousie. Y'a trop de choses à prendre, mais l'homme d'aujourd'hui veut tout pour lui seul. Rien ne ralentit, c'est comme un combat sans merci. Sous un grand ciel gris la nuit, je me dis quand est-ce que je m'enrichis. Pourquoi les mêmes questions si les réponses sont pas définies. Je vis une vie drue et sans aucune pitié. Glacial comme un iceberg, tout comme du béton armé. Futur sans merci, y'a un peu de pitié ici. Qu'on le fils te sourit, c'est ta chance qui s'enfuit. Futur sans merci, y'a un peu de pitié ici. Qu'on le fils te sourit, c'est ta chance qui s'enfuit. Futur sans merci, y'a un peu de pitié ici. Qu'on le fils te sourit, yo, ta chance qui s'enfuit. Yo, la vie dure. Passer son temps à fuir les quatre murs. Chercher son futur bracelet, une salle dans les coins obscurs, rame et fourché. Tire de flic, nir, ici des fils, ton herbe. Kite, beat, boule, orage et bis, bis, perçu de couper. Trafic corsé, voyou fils, début de tout, genre relou, tasse, pénin, fourman, confirme et fond, boucle, ptoman de quartier. Basse, on kiste, course poursuite, contrôle, le papier, taxi, basket. Mon love à tous les gars en flight jacket. C'est tout le monde que j'ai connu de près ou de loin. Je ne dois rien à personne. T'as vu, j'ai grandi, je suis devenu quelqu'un. Fini les flashbacks, nostalgie, les plans sont pourris. Pique du style back, une œil des typiques souvenirs de jeunesse pathétique. J'ai changé le bilan, ton je ne revois plus personne. Tu sais, les chemins se croisent, se séparent. On devient ce que l'on est. Mes amours dans mes ex, c'est du passé comme toi, ça me vexe. C'est pas mes cesse de parler de ma vie, c'est comme ça. Je m'égare à tes gars, à présent passe mon chemin. J'ai qu'une parole et je la tiens comme un calibre dans mes mains. Y'a quoi que si tu me dois toujours sans sac, mais c'est oublié. Y'a rien qu'à voir comment te saper pour te pardonner. Y'a rien qu'à voir comment te saper pour te pardonner. Et dire que t'étais mon pote, ça fait de la peine, tu sais. Fallait s'en sortir comme les autres, t'as préféré rester. Mener cette vie qui croise tes yeux, tes mains, c'est dur, je sais. Futur sans merci, y'a un peu de pitié ici. Qu'on le fils te sourit, c'est ta chance qui s'enfuit. Futur sans merci, y'a un peu de pitié ici. Qu'on le fils te sourit, c'est ta chance qui s'enfuit. Futur sans merci, y'a un peu de pitié ici. Qu'on le fils te sourit, c'est ta chance qui s'enfuit. C'est ta chance qu'ils ont. Mon cœur, ce qu'il a dit, c'est pas la tisse. Mais quitter la tête. Pour ça, je mets la touche qui peut me permettre de pas boire la tasse. De l'astuce pour que je décolle en bas, je les laisse tous. Pas des sbrouffes. Deux gars qui bronchent le temps que je bouffe. Si je mets tout, c'est pour que ces types qui se tuent pour que stop. Que s'estompe. Le progression entre nous constate. La thune, la question, le casse-tête. L'état te dit casse-toi et sujet vital. Tu vis tel un de ces viducs. Même si le fisc te vise d'être un sac d'écu. Je compte pas sur du cul loin de là. Pour chez moi refaire ma déco. Mais sur des coups, c'est ce qui te manque entre nous. Ce qui déconne. Après toute la misère, le chômage, la population dure, normal. Tu t'affoles quand tu découvres pourquoi jamais on dort. Sont pas les lumières des keufs et tous les gars qui t'entourent, qui vont te sauver quand faut manger. Et c'est mon chemin de la vie du. C'est pas comme certaines simples aventures. Pas de quoi être vantard quand la réussite se fait sous le vantard. Ce qui compte c'est le résultat. À moi on me raconte pas, je mène la vie du. Et je souhaite que ça change tant que la vie dure.